Mais moi, j'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère à faire « Bonjour, chère divinité. » Hein, quoi? Pardon. Pardon. Wow, là. Wow. On va vous en faire des divinités. Moi, je suis pas une divinité. Au contraire, OK? À un moment donné, là, c'est parce que si on veut retourner à un état premier, puis se dépolluer, puis devenir objectif, il va falloir considérer notre condition humaine pour ce qu'elle est. Parce que c'est quoi, dans le fond, l'affaire, vous serez comme des dieux, puis oh là, c'est à cause de du monde qui se prennent pour des dieux qu'on est dans la marde. Commencerait pas à faire pareil.